À Saint-Malo, beau port de mer, à Saint-Malo, beau port de mer, trois beaux navires sont arrivés. Nous irons sur l'eau, nous y promener, nous irons jouer dans l'île. Trois beaux navires sont arrivés, trois beaux navires sont arrivés, chargés d'avoine, chargés de blé. Nous irons sur l'eau, nous y promener, nous irons jouer dans l'île. Chargés d'avoine, chargés de blé, chargés d'avoine, chargés de blé, trois dames s'en vont les acheter. Nous irons sur l'eau, nous y promener, nous irons jouer dans l'île. Trois dames s'en vont les acheter, trois dames s'en vont les acheter, marchand, marchand, combien tombler. Nous irons sur l'eau, nous y promener, nous irons jouer dans l'île. Marchand, marchand, combien tombler, marchand, marchand, combien tombler, 3 francs l'avoine, 6 francs le blé. Nous irons sur l'eau, nous y promener, nous irons jouer dans l'île. Trois francs l'avoine, 6 francs le blé, 3 francs l'avoine, 6 francs le blé, c'est bien trop cher d'une bonne moitié. Nous irons sur l'eau, nous y promener, nous irons jouer dans l'île. C'est bien trop cher d'une bonne moitié, c'est bien trop cher d'une bonne moitié, si je le vends pas, je le donnerai. Nous irons sur l'eau, nous y promener, nous irons jouer dans l'île.